étonnant que personne ne le connaisse. Quand Dieu parcourt l'univers, l'homme commence à réfléchir vraiment. Il vient de à Dieu.